On aiguise tellement les appétits humains qu'ils pourraient fissionner n'importe quel atome de leur désir acéré. On bâtit des égaux de la taille des cathédrales, et la fibre optique relie l'ensemble du monde à chaque pulsion du plus petit égo. On rend bandant les rêves les plus tartes, à force de billets verts, de tocs, de plaqués, de paillettes, jusqu'à ce que le dernier des humains se prenne pour un empereur et devienne son propre dieu. On ne prend pas le temps de réfléchir, de préparer. On joue notre avenir en bourse alors qu'il n'y a déjà plus d'avenir. Chacun d'eux se prépare à fourrer son poing jusqu'au coude dans le cul de l'ex-planète de Dieu et à se lécher les doigts avant de les poser sur le clavier virginal de son ordinateur pour y noter ses sales leadership de merde. Seulement un jour, ça s'arrête. Un jour ou l'autre, il faut... Nos frères et sœurs sur nos gamins des gaines deviennent des petites peines, puisque la France, elle doit être le jardin d'Éden. Prennent 50% tel un braco sur mon véhicule, je rêve à l'instant de la tête à Sarko sur mon véhicule et pilote des semaines pour définir une phase de chrétien. Croire derrière chaque monologue politicien se cache un crétin, un train, train quotidien pour une vie de merde misérable. Normal que certaines mères soient demi-aimables. Le peuple demande qu'à graillon, il faut des coups de bâton, toujours les mêmes concombres. Allons, fille des millions, joue leur ballon, acclame ton état qui taxe entreprise et PME. Sonne l'alarme pendant que les docks centrent et cotisent au PM. Putain, on rêve de la chance sur un milliard de toucher le jackpot, partir s'arracher au loin, faire profiter chaque pote. La cote est en tente, mais une fois de plus, c'est une vraie banane. Tu voulais la vie de rêve, mais comme tout le monde, t'as une vie banale. Mais je ne suis pas marionnettiste. Je ne fais pas arriver les choses. C'est pas comme ça que ça marche. Le libre arbitre, c'est comme les ailes des papillons. Une fois qu'on les a touchés, ils ne peuvent plus quitter le sol. Moi, je ne fais qu'installer les gars. Si, si, le vice est tissé, le mal c'est ici. Délit de cécité pour ceux qui disent, moi c'est pas difficile. Mais qui tire les ficelles, qui, et qui tire les missiles, qui, et qui, sous la terre, y a pourtant un lieu domicile, qui. Ça fait cliché, mais est-ce que le diable a exploré les pistes? Parce que ça fait flipper quand même, pour le sexe faut qu'on se dépiste. L'avenir nous dépasse, on s'attend à un des pires. Dans le dépit on ressasse et se dit, quoi de mieux qu'un nouveau départ? Et qui n'a pas sa part de responsabilité? On pense à court terme, on pense rentabilité, on pense réhabilité. Y'a le paradis, paraît-il, mais je parie qu'il y a pas foule. Qui? Et qui peut prétendre mettre tout en œuvre pour aider les autres? Qui peut prétendre qui être un homme? L'ambiance est noire, le mal est acquis. J'en veux pour preuve qu'à mes questions qui très peu répondront moi. J'ai passé mon existence ici, moi je suis resté collé à l'homme depuis qu'on l'a mis là. J'ai nourri chacune des sensations que l'homme a eu la bonne inspiration d'avoir. J'ai cherché à lui donner ce qu'il voulait, je ne l'ai jamais jugé. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais rejeté l'homme, en dépit de toutes ses imperfections. Parce que moi, j'aime l'homme. Mais l'homme aime ses poches, les proches, couverts de reproches. La réponse serait peut-être poser la question en réciproque. Un récit proche de l'épopée héroïque, mais le bon est théorique. Et l'héroïne, la réplique, valeur ésotérique. En terre hostile, des hommes sur piédestal, d'autres suffoquent sous tutelle et dégainés devient vital. Dédaigné par certains qui attisent haine et la sulfate. Mais qui peut dire si demain sera happy end ou issue fatale? Loin d'être fataliste, rap, peut-on vivre sans vice? Mais s'il se jette dans le vide, doit-on suivre son fils? On veut mener la belle vie, doit-on la vivre sans risque? Et s'il n'existe pas qui, doit-on prier sans Christ? C'est pas si simple, non, y'a pas que les sales cons et les sympas. Que des foutaises, souvent les autres testent quand les impas. Viens célébrer les noirs de Saddam Hussein et les ingrats. Ils incarnent la fin du monde comme Nostradamus et les incas. Qui oserait dire le contraire, Kevin, quand j'affirme que le 20e siècle a entièrement été mien? Tout le siècle, Kevin! Tout le siècle! Bien. Je suis en pleine ascension. Mon temps est venu.